chronique BD. Alors aujourd'hui, on va parler de L'Atelier des sorciers, un manga de Kamome Shirahama qui est paru chez Pika. Le tome 1 vient de sortir. En fait, on suit Coco, une petite fille qui vit dans un monde médiéval fantastique et qui est fascinée par la magie. Et dans ce monde, la magie est réputée pour être réservée à une élite qui sont... Les sorciers sont choisis dès la naissance. Sauf qu'elle va se rendre compte que il suffit d'un bout de papier et d'un peu d'encre, d'écrire des runes, et voilà, on devient sorcier. Du coup, vu qu'elle a percé le secret, le sorcier qui arrive dans son village est bien obligé de la prendre sous son aile et de la former à la magie. Et en fait, voilà, c'est tout simplement Harry Potter version manga, avec un dessin très lisible, très sobre, qui tend presque vers la gravure. C'est vraiment super chouette, il y a de l'humour, ça plaira aux petits comme aux grands. C'est L'Atelier des sorciers, tome 1 chez Pika. Les chroniques BD. Alors la deuxième, c'est Versipelle de Anne-Catherine Hutt et Isabelle Beautian, qui est vosgienne, et c'est paru chez Aquileos, c'est en deux tomes, l'histoire est complète. Ça se passe dans un pays nordique, c'est d'inspiration viking. On suit un changeur de peau, c'est-à-dire un jeune homme qui a le pouvoir de se transformer en loup, pouvoir qu'il a appris auprès de son père. Sauf que son père est assassiné par un envieux, et du coup ça va être la quête de la vengeance pour ce jeune homme. Il va être aidé dans sa quête d'une guérisseuse, et il va devoir se confronter à un drogre, un fantôme errant dans la campagne, mort violemment. Et en fait, voilà, c'est vraiment une histoire scandinave, nordique, avec un souffle épique, très proche de l'humain. C'est bien dessiné, il y a des couleurs très chatoyantes. Le premier tome se passe en hiver, le second en été. Deux ambiances différentes et une très belle histoire. Versipelle, en deux tomes, d'Anne-Catherine Hutt et Isabelle Beautian, chez Aquileos. Les chroniques BD. Alors dans le cadre du cycle BD Cinéma, donc fait par la médiathèque, moi j'ai choisi de vous présenter Watchmen d'Alan Moore et Dave Gibson. Parce que Watchmen, en fait, c'est d'abord un comics qui a été adapté en film. Je vais vous présenter à la fois le comics et à la fois le film. Après, vous pourrez décider de soit lire le comics, soit lire le film, soit faire les deux, dans un sens ou dans un autre. Watchmen, donc ça s'appelle Les Gardiens pour les gens qui ne parlent pas anglais. Moi quand je l'ai eu, c'était en 12 tomes, alors je crois qu'à la médiathèque c'est une intégrale. Alors pourquoi c'est important 12, et bien tout simplement c'est comme les 12 coups de minuit. Alors voilà, Watchmen c'est vraiment bourré de symboles. Pourquoi c'est important? Ben tout simplement parce que c'est l'heure minuit qui symbolise l'apocalypse, la fin du monde. On se met en fait dans un environnement où on est en 85, en pleine guerre froide. C'est la tension entre les États-Unis et l'Union soviétique, la guerre nucléaire, qui dit nucléaire dit entre guillemets fin du monde. Et c'est une façon un peu pour les scientifiques de représenter voilà où on en est par rapport à cette guerre. Plus on se rapproche de minuit, plus les tensions montent et plus on se rapproche un petit peu voilà, de la guerre nucléaire. Donc voilà, c'est pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance, dans l'environnement de l'histoire. Alors ça, c'est quelque chose donc, qui est très proche de notre réalité. Mais contrairement donc, à notre réalité, il y a des justiciers, des genres de super-héros aux États-Unis. Alors c'est pas du tout dans le même style que d'autres super-héros, on n'a pas de super-pouvoirs, mais plutôt c'est des gens bien entraînés avec des bons gadgets. On a quand même un petit côté science-fiction avec le docteur Manhattan. Je vous en dis pas plus pour que vous compreniez qu'est-ce qu'il a de spécifique, ce super-héros. Watchmen, pour moi, c'est une histoire... qui ressemble pas vraiment aux histoires du super-héros. Voilà, tout ce qui est Batman, Superman, oublié. Watchmen, c'est pas rigolo, il n'y a pas de happy end. C'est assez cynique, c'est assez dur. Donc Watchmen, c'est à la fois un comics et un film. Donc pour moi, Watchmen, c'est une bonne adaptation. Parce que déjà, ça date de 2009. Et vous pensez bien que niveau effets spéciaux, on peut rien se refuser, entre guillemets. Alors... Par exemple, un palais qui se construit guidé par la pensée du docteur Manhattan. Ça fait un peu effet Reine des Neiges avec son palais de glace, mais on s'arrête tout de suite dans la comparaison. On n'est quand même pas dans la Reine des Neiges, et puis c'est un petit détail de l'histoire quand même. Watchmen, c'est aussi une bonne adaptation, et ça, c'est vraiment subjectif. Parce que moi, je trouve que les personnages, on les retrouve vraiment à l'identique du film. On a Rorschach. Moi, je prononce Rorschach, mais vous pouvez prononcer Rorschach. C'est, pour moi, c'est le même personnage mystérieux et antipathique. Le principe même du anti-héros, avec vraiment des scrupules très douteux, un sens de la justice trop poussé à l'extrême, à la répartie verbale et physique qui fera moucher plus d'un voyou. Alors ça, c'est très subjectif, parce que si vous lisez la BD, vous pourrez peut-être le trouver encore plus cynique et encore plus dur que dans le film. Pour moi, les autres personnages suivent à peu près le même principe, qui sont vraiment la même personnalité quand on passe de la BD au film. On a le hibou qui est naïf et innocent, on a le comédien qui est vulgaire et cruel, on a le docteur Manhattan qui est totalement froid et inhumain, et etc. Pour moi, ça c'est vraiment les personnages principaux. En fait, il y en a quand même pas mal. Mais dans la BD, on a plein d'autres personnages secondaires aussi. Et vous pensez bien qu'adapter 300 pages au cinéma, et ben forcément on ne peut pas tout retrouver. Et c'est ça qui est bien dans la BD, c'est que vous avez plein de petites histoires parallèles, la psychologie des personnages qui va vraiment être détaillée, que ce soit les principaux ou les secondaires. Et c'est vraiment quelque chose pour moi qui est un plus de la BD. À mon goût, Watchmen, c'est une bonne adaptation parce qu'on a quand même 300 pages qui ont été réunies en un seul film. Alors attention, c'est quand même 2h43, c'est déjà pas mal long pour une version cinéma. Donc en fait, Watchmen, c'est en trois versions selon les bonus du DVD que vous achetez. Alors, on a la version cinéma, on a la version Director's Cut qui fait 3h06, ça va vraiment approfondir l'histoire, et on a l'Ultimate Cut, 3h35, avec notamment une BD donc, qui est vraiment présente dans la BD, une mise en abîme avec les contes du vaisseau noir, qui est en forme du film d'animation. Ce qui est bien, c'est que justement, si vous avez adoré la BD, vous avez trois choix. Soit vous avez envie de vous détendre, de voir un film, vous voyez la version courte. Mais plus vous avancerez dans les versions longues, plus justement vous trouverez peut-être du plaisir à retrouver des éléments de la BD. Par contre, si vous souhaitez voir le film, je vous conseille vraiment la version courte. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est fait à la fois pour s'adapter entre guillemets à un public qui ne connaît pas la BD et en même temps faire plaisir aux fans donc de la BD. Pour moi, Watchmen, c'est aussi une bonne adaptation parce que, en fait, il y a une intrigue qu'on a réussi aussi à condenser en faisant alors un sacré raccourci. Voilà, pour ceux qui ont lu la BD, ils sauront de quoi je parle. Mais en fait, qui dans le film garde tout son sens et ça reste carrément cohérent. Et donc, effectivement, si vous voulez voir une intrigue encore plus élaborée, n'hésitez pas à vous tourner vers la BD. Watchmen, ça se passe aussi en deux époques. Alors, on a l'âge d'or des super-héros, qui donc fait partie du passé, et la deuxième génération de super-héros, donc en 85, dont l'existence est remise en cause par le peuple américain. Si vous lisez la BD, vous aurez plein de détails, des flashbacks sur certains personnages, etc. Par contre, effectivement, si vous voyez le film, on va être plus axé sur la deuxième génération, avec quelques flashbacks. Si vous décidez de voir le film sans lire la BD, je vous conseille vraiment en fait de faire très attention au générique de début. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est très réussi, qui met vraiment dans l'ambiance, en fait, qui cadre un peu l'histoire, qui explique très vite fait le passé, mais par contre il faut vraiment faire gaffe au générique, ça c'est quelque chose qu'on va pas forcément faire de base, de faire attention au générique. Et voilà, donc partez un peu sur l'idée que ça va vous expliquer, ça va vous présenter en fait des personnages donc de la première génération. Je sais pas si vous savez, il y a plein de films qui sont bourrés de références et il y a beaucoup de gens qui trouvent ça super sympa de les trouver, c'est assez rigolo. Alors effectivement, dans Watchmen, on en a plein. Tout simplement parce que déjà les réalisateurs, ils ont apporté leurs propres références, notamment des références à d'autres films, à leur propre culture, mais il y a également des références à la BD. Tout simplement en fait parce que dans la BD, déjà, on retrouve plein de petits détails, plein de petits clins d'œil qui fourmillent à droite à gauche. Et ce qui est bien, c'est que quand vous lisez une BD, vous faites en fait deux lectures. Pour une même case, vous avez une lecture du premier plan, donc ce que le personnage fait ou ce que le personnage dit. Et en fait, derrière, donc ça c'est pas forcément ce qu'on retrouve dans toutes les BD, mais des fois il y a vraiment un second plan, c'est-à-dire plein de décors, d'autres personnages qui interagissent entre eux, qui parlent, qui font des choses et des fois qui font avancer l'histoire ou qui peuvent vous donner des indices par rapport à l'intrigue. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment retrouver au cinéma. Parce que bah, voilà, les actions s'enchaînent, etc. On ne fait pas vraiment attention à ce qu'il y a au second plan. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super bien dans la BD. C'est plein de détails, etc. Et c'est ce que le film a essayé de faire. Si vous avez lu la BD et que vous voyez le film, vous allez vraiment les voir. Par contre, effectivement, si vous voyez juste le film, peut-être attendez le deuxième revisionnage avant de voir donc tous ces clins d'œil. Voilà, je vais peut-être un peu m'arrêter parce que ça commençait à être un petit peu long pour une chronique, mais voilà, c'était beaucoup d'éléments un petit peu en pagaille, un peu décousus, ben en fait pour vous donner tout simplement une idée du film, une idée de la BD et voilà ce qui peut vous plaire quand vous passez de l'un à l'autre. Les adaptations de BD au cinéma, c'est vraiment très délicat. Il y a vraiment, selon la BD, selon le film, vous allez vraiment retrouver des choses différentes. J'ai essayé de vous donner un maximum d'éléments pour moi qui sont des éléments clés de l'adaptation de Watchmen. C'est pas des éléments qu'on retrouve dans chaque film adapté d'une BD. Mais en fait, ça va vous donner un petit peu des éléments pour savoir si vous allez aimer l'adaptation. On va aimer tous des choses différentes dans une BD. On va tous attendre des choses différentes d'une adaptation. Et pour savoir si quelque chose va vous plaire, et ben, connaissez-vous vous-même, posez-vous des questions. Et peut-être que ces éléments vous feront dire si vous allez aimer le film, l'adaptation, la BD. Enfin bref, voilà. Vous donner un avis, donc, avant de voir ou lire tout ça. La BD de Watchmen est disponible à la médiathèque de Remiremont et le film est disponible à la fois à Remiremont et à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Je vais m'arrêter sur une dernière anecdote. Alan Moore, donc le scénariste de la BD donc originale, a refusé d'attacher son nom au film. Il a carrément déclaré n'avoir aucune intention de voir le film. Pour lui, son œuvre, c'est juste un comic, pas un film, ni un roman, un comic. Il est écrit d'une certaine manière et dessiné pour être lu d'une certaine manière, dans un fauteuil, confortablement installé près du feu, avec une tasse de café. Bonne lecture ou bon visionnage, et surtout n'hésitez pas à donner votre avis. C'était Watchmen, W-A-T-C-H-M-E-N, d'Alan Moore et Dave Gibson. Les chroniques BD, à retrouver tous les vendredis à 8h et à 13h30 sur Radio Guimauzo, en partenariat avec la librairie L'Octopus. La librairie Octopus, spécialisée bande dessinée, manga, comics et romans de l'imaginaire, science-fiction, fantasy, à Épinal, 15 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, quartier Gare, ouverte du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h. Le réseau des médiathèques de la Porte des Vosges méridionales, c'est plusieurs sites. Remiremont, Saint-Étienne-lès-Remiremont, Saint-Nabord, Vecoux, Éloy et Dommartin-lès-Remiremont. Vous pouvez réserver à n'importe quelle médiathèque. La BD arrivera là où vous avez réservé. Et bien sûr, vous pouvez déposer les BD dans n'importe quel site. Vous avez aimé une BD, vous aimeriez partager vos lectures avec les auditeurs? N'hésitez pas à appeler Radio Guimauzo au 03 29 62 40 40.